quatre murs. Je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais le miroir d'enquête, le miroir d'enquête, je sais qu'il me regarde en audio de satellite. Dans mes rêves d'Amérique, moi je tente de fuir. Le lendemain qui m'attend, le couteau dans le dos. Je sais bien au fond de moi même qu'ils veulent me faire la peau. Trois jours dans le métro, moi je suis le troupeau. Direction l'abattoir, quatre pattes sur le dos. Ils me mettront comme ils ont mis mes parents et les tiens. Pour qu'un putain d'actionnaire nage avec les dauphins. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la main, je rêve de partir dans des villes où il fait chaud à l'autre bout du monde. Moi, de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et plus tard, c'est de savourer quand on n'a rien pour soi que le chef de fin de mois. Peut-être qu'un appel à crédit, oui. Pour maman des antidépressions, du Viagra pour les vieux et des calmants pour les enfants neuroleptiques. Toujours sur qu'on cherche le jour où nous verrons le mien en temps de contre-jour. Société s'est perdue, nos amours sous tranquillisants qui sommeillent dans le cœur des métros de perdants. Dit qu'on viendra le jour où nous retrouverons flamme. Ici tout est fini, Paris n'est plus Paris. Chez les gauchistes dans la droiture, chez les anards de mon pays, y'a que les télés qui s'allument et les filles qui disent oui. Vous êtes bien dans le vol Didier & Co en compagnie du groupe 16 Pilules. J'espère que la pilule est bien passée pour 2025 et que celle de 2026 sera meilleure. Voilà, et ben on va pas tarder à découvrir qui sont, parce que j'ai bien dit qui sont nos invités, premiers invités à 2026 de cette année nouvelle. Et donc, chers invités, bonjour. Bienvenue à bord du vol Didier & Co Arc-en-Ciel Orléans du 8 janvier 2026. Je vais vous demander pour nos auditeurs, nous, il faut pas oublier de dire qu'on se connaît quand même un petit peu. On a l'habitude de se voir en radio et j'ai eu le plaisir de les avoir pour la première de 2026. Donc, je vais vous demander juste après, sommairement, de vous présenter un petit peu comme vous voulez dès que vous aurez vos micros ouverts, chose qui va être faite rapidement. Voilà, je pense que normalement vous êtes en ligne. Ouais. Ah. Bonjour Didier. Bonjour. Attendez, j'ai un petit souci de technique. On va remettre un petit peu de musique, ce n'est pas grave. Plus rien à faire. Incident technique revu, j'avais juste pas la visibilité sur les voyants de mes invités en face et donc pas la possibilité de voir si leur micro est ouvert. Ouais, ce sont simplement des erreurs de débutants en même temps et puis bon allez, on va être indulgent, on recommence après une petite dizaine de jours de coupure, faut se réhabiliter à tout ça. Je redis donc bonjour à toutes et à tous et puis je vais demander à mes invités qui sont en face de se présenter déjà en face de moi, donc sur la gauche, le monsieur avec les cheveux longs là, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Didier, merci de nous accueillir sur Radio Arc-en-Ciel hein, pour vous parler un petit peu de notre histoire et pourquoi la brasserie du Four à Briques. Donc pour commencer par me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Jules Bouquet, j'ai 27 ans, je suis originaire d'Orléans, de plus précisément de Saint-Privé-Saint-Mémin, justement dans la rue qui mène au Four à Briques, juste en face du Pont de l'Europe. Et donc, on a entrepris le projet de la brasserie artisanale, justement, il y a maintenant 5 ans. Et donc, voilà, moi, j'ai... Vas tout nous dire, là, on va tout savoir. Au revoir et à bientôt. Je peux plus faire. Alors, en face de toi, j'ai donc, juste au milieu, entre les deux, j'ai le plus jeune. Ah ben non, apparemment, il se ressemble un petit peu. Toi, l'homme au t-shirt noir. Je suis sorti en premier. Alors moi, c'est Odin Bouquet, du coup, même famille que Jules, hein, c'est par ailleurs mon cousin. Et donc voilà, encore étudiant moi en parallèle, en master communication à Bourges et en alternance dans la brasserie du Four à Briques. D'accord. Et à côté, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est ça, c'est le dernier de la bande. Donc moi, Marion Bouquet, jumeau d'Odin Bouquet et cousin avec Jules qui s'est présenté juste avant. Pour dire très rapidement sur ma personnalité, moi j'ai travaillé 2 ans sur Paris dans des distributeurs de boissons et par la suite j'ai rejoint l'entreprise familiale avec le cousin pour pouvoir développer notre passion commune. On va en parler. On a 2 heures pour ça. Et bah c'est parfait. Puis après, on va voir un petit peu les rôles de chacun. Enfin, toute une préparation. J'ai beaucoup de questions à vous poser, vous en doutez. Puis les auditrices, les auditeurs et les passagers veulent en savoir aussi beaucoup sur vous et sur la fabrication de la bière. Donc, on a préparé tout ça un petit peu en amont, bien sûr, vous en doutez. Donc, vous venez de nous donner votre parcours avant la brasserie, puisque voilà, on l'a deviné, hein, vous êtes des brasseurs. Je sais que vous brassez pas que de l'air, hein. Mais voilà, donc votre parcours avant la brasserie est vu. Alors, un de vous va me répondre. Hein, c'est pas la peine de me répondre à chaque fois, tous les trois. Comment dirais-je, quel est votre parcours que vous avez fait pour arriver jusqu'à la bière? Est-ce que c'est un parcours, pour une passion garage qui a dégénéré ou un projet entrepreneurial pur? Ça c'est Jules hein, qui parle. Ouais, effectivement, du coup, avant d'arriver sur la brasserie. Moi, j'étais en école de commerce à Marseille, j'ai arrêté prématurément les études parce que du coup, on avait commencé à brasser pendant le confinement, et de fil en aiguille, de la passion effectivement qui est née dans le garage, est venu le souhait d'entreprendre et de créer un produit, une bière à notre image sur Orléans et l'agglomération. Et donc petit à petit, au final, ça s'est fait vraiment progressivement de la passion vers le projet entrepreneurial. Je dirais qu'on est plus dans un équilibre entre les deux. Et tout s'est développé petit à petit. Donc vous êtes sorti vraiment du garage là, hein. Tout à fait, sur la propriété familiale. On est bien d'accord. Ben, vous savez que de parler, en général, ça donne soif. Mais moi, je me nourris, je m'abreuve de notes. Donc je vais faire une toute petite prochaine escale musicale. Petite escale musicale bien sympathique. Donc, vous nous avez dit que vous étiez sorti d'un garage pour aller dans un garage beaucoup plus grand, si ma mémoire est bonne, mais ça, on va parler un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, que ça soit Jules, je répète, et les deux frangins jumeaux, donc ses cousins et frères jumeaux, lequel est le plus sage, je ne sais pas, ça dépend pourquoi. Pouvez-vous, l'un de vous, pouvez-vous me donner, enfin nous donner à nous, auditeurs, auditrices et moi-même, en quelques mots, nous conter votre histoire un petit peu vite fait de la brasserie. On a vu que bon, c'était une passion garage qui était devenue, mais un petit peu après l'historique, on parlera du nom, tout ça, de la pourquoi ce nom, le four à briques, où, quand, comment. Voilà, juste un petit peu le parcours. Marion, je crois que tu veux parler. Bah comme Jules l'a dit tout à l'heure, en fait, nous, ça a commencé pendant le confinement. On est sur une propriété familiale, et donc on avait un peu, bon, comme tout le monde, hein, du temps à perdre, et donc on a commencé comme ça à brasser, et puis en fait, de fil en aiguille, déjà d'être ensemble, pour nous c'était un plus, de pouvoir travailler ensemble et puis de développer une passion commune, donc qu'est la bière. Et donc on a commencé comme ça. Donc on a fait un an de micro-entreprise et sur lequel on faisait des petits marchés les week-ends. On vendait un petit peu à la sauvette avec une table. On vendait nos bières, on proposait nos bières. Sauvette, un petit peu comme là-bas, au niveau de la Tour Eiffel. Là, vous aviez les bouteilles de bière dans les manteaux. Voilà, on ne mettait pas la nappe au sol, mais on était très similaire à ça. On mettait une petite table devant un poissonnier, devant un maraîcher, et on vendait. On allait chercher les gens à leur voiture pour leur dire on fait de la bière. Vous voulez goûter? Vous voulez en acheter? La folie de la jeunesse. Et en fait, exactement. Et mine de rien, c'est ce qui a pas mal plu parce que c'était comme tu dis, la folie de la jeunesse. Les gens, c'est ce qu'ils appréciaient. Pendant justement ces moments où on pouvait sortir un petit peu après confinement, donc on a commencé comme ça et puis après on a décidé de s'investir un peu plus, donc de commencer à acheter du matériel un peu plus conséquent pour pouvoir brasser en plus gros. Il y a un coup, on va en parler un petit peu plus tard dans le vol là. Vous êtes bien installé, ça va, dans la cabine VIP, il n'y a pas trop de turbulences, c'est bon? Non, ça va, super. Super. J'ai bien décompressé. Si les hôtesses ne sont pas sympas, je reverrai mon personnel. Hein. Non, les pilotes, le pilote conduit bien, ça va. Il conduit ou il pilote? voilà. Alors, en quelques mots, peut-être Audin, d'où vient le nom La brasserie du Four Fabrique. Et comme disait Jules, on est originaire de Saint-Privé-Saint-Mémin. Et à côté du pont de l'Europe, il y a un four à briques qui était à l'époque un outil qui servait à faire de la tuile rouge, qui était un outil artisanal et local de l'époque. Et donc, étant donné qu'on faisait de la bière artisanale et également locale, on a voulu se raccrocher à ce patrimoine pour avoir cet emblème aussi représentatif de la région orléanaise, de Saint-Privé et puis de la Sologne. D'accord. Et vous avez commencé directement, vous aviez un établissement, vous aviez un local, vous aviez... Je l'ai peut-être pas trop écouté, je suis un mauvais élève, mais vous avez commencé directement à faire votre bière, dans le garage, à petite échelle, quand vous avez grandi, bien évidemment. Complètement. Vous êtes retrouvé dans un établissement, quelque part à... Chez un confrère brasseur qui nous a gentiment aidé à pouvoir nous développer. Donc on a dans un premier temps installé des fermenteurs, des cuves inox de 23 hectos dans son local. Et à côté de ça, on brassait avec son outil de production et on mettait la bière dans ses grands fermenteurs, ses grandes cuves. Et en fait, on a commencé comme ça pendant un an où on a pu commencer à faire... Ça devait pas être facile de gérer entre les deux productions. La cohabitation, La cohabitation, c'est une première aventure pour nous, en plus, parce qu'on a toujours été qu'entre nous en famille. Et donc là, de pouvoir commencer à cohabiter avec un autre confrère, c'est pas sûr toujours que... facile, j'imagine. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc un an se passe pour cette nouvelle brasserie sur Orléans, enfin sur la région. Je pense que les murs étaient un petit peu à l'étroit. Donc ouais, il a fallu commencer à cogiter pour ce manque d'espace. Comment ça s'est fait rapidement? Tout à fait. Donc effectivement, la période chez ce confrère a duré à peu près un an et demi. Rapproche-toi un peu du micro. On a été du coup à partir de début 2023 jusqu'à avril 2024, et donc effectivement on avait un petit peu un manque d'espace. Donc il a fallu trouver plus grand, et c'est là qu'on a installé nos cuves à Saran. Donc on a fait un nouveau prêt bancaire pour installer notre propre atelier, du coup plus chez un confrère, vraiment complètement chez nous. D'accord, en pleine autonomie alors. En pleine autonomie, exactement. Alors quand on était quand même chez le confrère, on avait toujours notre petit atelier dans notre garage, mais qui faisait pas forcément peut-être 10 fois moins de volume que ce qu'on pouvait faire chez lui. Et du coup, là, l'idée, c'était d'avoir notre propre local. Vendre le volume. C'est ça. On pouvait quand même faire un palier au-dessus. Exactement. Donc, passer le palier du dessus. Oui, vas-y, vas-y. Et donc à ce moment-là, on s'installe à Saran en avril 2024, donc dans le parc d'activité des Vallées. Donc, ok, vous êtes à Saran. Okay. Tout à fait. Donc on est à Saran, dans le parc d'activité des Vallées, juste derrière le Buffalo Grill, là où il y a la, donc en fait sur la nationale. Et donc on a un parc là où il y a les douanes. Hein, quand il y a les douanes, il y a l'Oxam, il y a DB Schenker, enfin il y a pas mal de grosses entreprises. C'est une zone industrielle en fait. Une zone industrielle précisément. Qui... Allez, on va le dire après le rond-point, en remontant de la vallée vers Paris, hein, sur l'ancienne route nationale 20, en haut de la côte, on prend à droite et là on vous trouve facilement dans le. Exactement. Je crois qu'il doit y avoir un colibri, un oiseau de discuter. C'est ça. Donc cet entrepôt village dans lequel on a un local. Donc vous avez un box. On a un box de 140 mètres carrés. Combien ? 140. Ah oui, quand même, ouais, ça commence à. On a un petit peu de place. Parce que chez, il a fallu pousser encore les murs. Exactement. On va en parler. On va en parler. C'est vrai qu'on se connaît bien parce que bon, on va pas se le cacher, hein, sans présenter à vous, mais nous sommes amis depuis quelques années. Je connais bien les parents Virginie et Christophe que je salue derrière à Audin et Marian, et puis j'ai fait la connaissance de Jules il y a 2 ans aussi. Exactement. Sur notre projet qui tournait pas mal. On a bien travaillé. Ouais. Voilà, et voilà, on travaille un petit peu sur d'autres choses ensemble. Donc je suis un petit peu ému à la fois et très fier et très content de vous avoir à la radio et dans cette émission. Bah, merci Didier, nous aussi on est ravis d'être présents en tout cas. Alors, pour vous, je sais que ça a été un petit peu un crève-cœur de quitter le côté familial, Saint-Privé, c'est des concessions, le déménagement, ça a dû être lourd en gestion financière, bien sûr, mais lourd en gestion transport de matériel, parce que c'est pas du petit matériel, hein, c'est pas une éprouvette et tout à fait. Une seringue pour mettre en bouteille, hein, non, c'est un petit peu au-dessus de ça. On aura peut-être l'occasion un petit peu plus tard de visiter la brasserie, de voir ce qu'on peut faire. Et là, pour l'instant, on en est dans ce côté de mise en place. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? Ça a été le fait de quitter votre commune ou alors le déménagement ou l'installation à Saran ? Parce que je pense que tout ceci doit comporter quelques éléments perturbateurs et que il faut arriver à gérer tout ça. Mais avant votre réponse, j'aime bien le suspense. Je vais vous mettre un petit morceau musical, une petite escale. You're listening to Jones's Jukebox, live on KROQ. Right now, for the first time ever, anywhere on this football called Planet Earth, is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey. I'm up a bit on a string, Tracy Island time's up. They come to find you for in some velvet morning. He is too late. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here isn't what I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. Are you mine? sees a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause he is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear is say, are you mine? Well, are you mine? Bien, vous les avez reconnus, c'était le groupe Monkees, voilà, avec Haru. On va revenir donc à nos moutons, je vais rouvrir les micros à ces messieurs, ça y est, c'est chose faite. Donc on en était un petit peu à la zone crève-cœur, déménagement, qu'est-ce qui a été le plus dur? Allez, chacun un petit mot vite fait. Pour toi, Jules. Du coup, c'était un petit peu de quitter nos sources, hein, tout simplement. Le four à briques, c'était par rapport à nos racines dans la rue du Vieux-Bourg, où justement nos grands-parents ont cette propriété familiale où ils faisaient du maraîchage. Donc, il a fallu justement quitter la commune d'origine et qui portait, enfin, le nom de la brasserie, justement, la brasserie du four à briques en lien avec cette commune, quoi. D'accord. Pour toi, Audin. On a fait un déménagement qui était dans une période estivale, donc chaleur. Chaleur et puis surtout que c'est la saison où la bière on va dire coule le plus à flot. Et oui, donc les travaux dans cette période-là qui étaient inévitables étaient quand même nécessaires et voilà, apportaient un frein aussi. Pour tout ce qui est après, derrière, démarchage, commercialisation. Bien sûr, faut tout recommencer. Exactement. Et pour toi, Marian, tu cherches tes réponses sur ton téléphone? Moi, je vais le dire en un mot, l'anticipation, ça a été le plus dur, je trouve, parce que on avait plein d'idées la tête et à chaque fois, en fait, qu'on commençait à faire des travaux ou à se lancer dans le grand bain, on se retrouvait face à des freins ou à des points bloquants. Et donc, cette anticipation-là a été super hardcore parce que ça nous mettait en retard sur plein de choses. Et comme Audin l'a dit juste avant... Il faut produire. Il faut produire. Je pense que vous avez une clientèle déjà, que il faut arriver à suivre tout ça. Donc, c'est un parcours du combattant, je présume, avec une mise en place un petit peu difficile. Des nouvelles contraintes, bien sûr, vous venez d'en parler. Des avantages, je ne sais pas, et des inconvénients, les inconvénients, la chaleur, le matériel, le montage, démontage, retrouver ses marques, entre parenthèses. Mais quels ont été les... Est-ce que vous avez des avantages d'être un petit peu délocalisé, on va dire, du côté de Saran? Est-ce que vous avez trouvé un avantage par rapport au début de votre structure? Alors effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le confrère avec lequel on a travaillé était sur la même commune. Donc nous, ça nous a permis de trouver un petit peu notre indépendance et la commune sur laquelle on serait installé et on serait entre guillemets seul. Et également, d'un point de vue aussi, on va dire géographique, Saint-Privé qui est au sud et Saran qui est au nord, on ouvrait aussi tout un pan de nouvelles perspectives en termes de clientèle. Un nouveau réseau. Élargir le réseau, je présume. Élargir le réseau, exactement, de nouvelles rencontres. C'était aussi très bénéfique pour ça. Et qu'en plus de ça, je crois qu'ils n'avaient pas de brasseur à Saran avant qu'on arrive. Donc, À part les trois brasseurs qui brassent sur la commune. Oui, qui est un restaurant. C'est pas un établissement spécifique pour fabriquer de la bière, vendre de la bière. Ils font leur propre bière et voilà. Ils vendent sur place. Voilà, mais c'est pas une entité pour le côté brassicole local, voire régional ou autre. Exactement. Alors on les retrouve pas, ou peut-être, je sais pas, je les ai jamais vus sur des forums, sur des festivals ou autre, sur des salons ou autre. Non, ils ont leur propre. C'est ça. Donc on le voit d'ailleurs, il y a l'alambic, il y a tout le truc en cuivre là quand on rentre chez eux. Je savais pas, c'était plus ou moins factice, mais non, ça fonctionne réellement. Ça fonctionne réellement. Donc c'est pas vraiment du travail. C'est du travail. Pour comprendre un petit peu l'envers du décor d'une petite structure. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant. Je pense que vous êtes un petit peu tous présentés. Vous avez un petit peu décompressé parce que c'est vrai qu'on est On a parlé un petit peu en off, hein. On est un petit peu sous pression, c'est le cas de le dire. On n'est pas dans les fermenteurs, mais on est sous pression un petit peu tous les quatre. Voilà, c'est pas évident de recevoir des amis. De recevoir, c'est évident, mais de discuter et de tenir le pilotage. Il y a eu un petit peu de turbulence, je pense qu'il y en aura encore un petit peu, parce que faut reprendre. J'ai été pendant 15 jours, pour ainsi dire, sans avoir le manche entre les mains. Et piloter, c'est pas toujours évident. Voilà, donc pour bien comprendre l'envers du décor, puisqu'on vous connaît un petit peu plus sur le plan général, qui fait qui est qui fait quoi, qui est par exemple au fourneau, comme je dirais, à l'élaboration des recettes? Alors, pour ce qui est élaboration des recettes, globalement, effectivement, chacun a des tâches plus ou moins définies, mais étant donné qu'on est quand même une petite structure, on se consulte et on travaille tous de mise, hein, de pair sur tous les sujets. Donc c'est vrai qu'on est énormément dans l'échange et on voit ce qui se passe à droite à gauche. Mais globalement, sur la partie effectivement conception, production, planning de production, gestion des stocks, etc., on travaille avec Marion un peu sur cette partie-là. D'accord. Et l'élaboration des recettes, c'est également un échange où on se donne des idées et on voit ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a envie de faire aussi. Hein. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut essayer. Voilà, ça c'est Marion qui parle. Ah, voilà, le premier c'était Jules. C'est ça. Et en face, à ma droite, c'est moi, mais sur la gauche, c'est Marion. On va rentrer un petit peu plus dans la connaissance de chacun. Donc en général, c'est plus toi un petit peu qui emmène, Jules, les recettes et tu les mets en. Ouais. Tu les expliques un petit peu à Marion. L'idée, c'est de les. En fait, si on veut pouvoir reproduire la même recette, il faut justement avoir une recette précise. Bien sûr. Pas que ce soit à la louche. Donc, on a un logiciel pour traiter ça, effectivement, et pour avoir un peu une idée de ce qu'on va avoir à la fin, en termes de couleur, d'amertume, voilà. Et donc, effectivement, je programme ces recettes sur ce logiciel, et après, par la suite, on travaille ensemble pour passer justement de cette partie théorique de la recette à la mettre en production. À utiliser l'outil, effectivement, là, c'est marrant. D'accord, donc c'est un travail d'équipe, et pendant ce temps-là, je pense que Audin, il se roule les pouces, ou il est plutôt à l'école, parce qu'il m'a dit qu'il était en prépa, en master, je ne sais trop. Ouais, de... complètement chiant. Voilà. Excusez-moi, moi, je suis en cursus alternance, donc moi, c'est du 3 semaines entreprise, une semaine cours. Mais sur les 3 semaines où je suis en entreprise, je vais aller soutenir. Marion, soit sur la production ou alors sur les livres. Ouais, t'es un petit peu l'homme à tout faire, quoi, on va dire. Voilà, je suis un peu je suis le bout de pouce, disons que c'est ça. En fait, c'est quand même des métiers assez physiques. On s'en rend pas forcément compte. On va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis pas que, je crois qu'il faut aussi un peu de com' dedans quand même. Oui, mais ça, on va en parler aussi. Grillez-moi pas toutes les cartouches à la fois, les gars. Vous êtes pressés de déguster une bière ou pas? Vous avez une nouvelle recette à nous proposer tout à l'heure. Donc, si on l'a bien compris, vous êtes tous les deux communs, Marion et toi, Jules, pour un petit peu la mise en place des recettes, des tests. Qui est à la prod, vraiment à la production? C'est moi. C'est Marion. Toi, c'est qui? Marion. D'accord. C'est toi qui as la prod, donc c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu après tous les composants de ça, de la bière. Moi, j'y connais absolument rien. Je sais même pas comment ça se fait. Je sais comment ça se boit. Je sais comment ça se sert, mais je ne sais pas du tout comment ça se fait. Et donc toi, on l'a bien compris, tu es au niveau communication, marketing, enfin tout ce qui est merchandising. Je pense que vous entendre sur le réseau de la brasserie. Tu mets en application ce que tu apprends à l'école en com, et tu appliques ça sur les différents réseaux sociaux et autres pour la com, voire aussi tout ce qui est affiche, photographie aussi. Il me semble que tu as eu une formation photo. J'ai eu une petite formation photo, ouais. Assez rapide, mais c'est vrai que tu t'es débrouillé pas trop mal. Voilà. Donc, si on l'a bien compris, à 14h41 sur Radio Arc-en-Ciel, la 96.2 Orléans. Nous sommes en plein vol, là, on est en train de découvrir le milieu brassicole avec comme invité la brasserie du Four à Briques, avec notamment Jules, Audin et Marian qui se sont déplacés pour venir gentiment nous expliquer et vous expliquer comment se passe un petit peu l'évolution de leur entreprise à eux, le côté entrepreneurial, et puis la fabrication de la bière, on va en parler un petit peu tout à l'heure, un petit peu beaucoup même, et puis après voilà leur vie, et ce sont trois personnages que j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien travailler avec eux, j'ai travaillé avec eux un petit peu cet été sur différents sujets, et c'est vrai que bon, il faut les tenir, ce sont des jeunes, mais voilà, ça se passe bien, et c'est fort agréable de travailler avec des jeunes comme ça, j'ose le dire en radio, parce que ça motive les vieux. Ben, vous savez pas le temps de revoir tout ça, hein. On va aller voir un petit coup, on va aller voir du côté de la compagnie créole, voir si ça se passe bien. Alors, est-ce que la compagnie créole a la tour de radar, hein, ici le pilote, pouvez-vous m'envoyer la compagnie créole? J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, c'est vrai que ça tourne pas mal. Eh ben, la compagnie créole, me recevez-vous? Oui? Ah ben c'est parti alors. Hein, bon, on l'a vu pendant que riaient les oiseaux et chantaient aux couleurs de l'arc-en-ciel, pourquoi pas, puisque nous sommes toujours sur la radio Arc-en-Ciel 96 de Orléans en plein vol avec les passagers invités VIP dans la cabine. Voilà, donc on va continuer un petit peu notre périple à travers cette découverte de la brasserie, de la bière et du milieu brassicole. Donc, vous êtes assez souvent d'accord, mais des fois, je sais que vous ne l'êtes pas toujours. Donc, comment ça se gère à ce moment-là? Est-ce que vous avez un lieu de punching ball? Est-ce que vous faites ça comment? On se frappe dessus. Non, c'est pas que... Non, bah alors après, les désaccords, c'est des discussions, des échanges, et l'idée, c'est d'exposer les arguments et les raisons pour lesquelles on prendrait telle ou pas cette décision ou plus une autre. Ça se fait comme ça, et je pense que comme dans toute entreprise, il y a des visions qui peuvent des avis sur certaines choses qui peuvent diverger, et donc il suffit on en parle afin de se mettre d'accord et de voir la meilleure décision qu'on pourrait prendre. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Audin, mais c'est comme ça qu'on fonctionne de manière générale. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, la seule solution est la communication. Pour le coup, c'est un peu le mot clé hein, de mon alternance, donc la communication, effectivement. Il faut communiquer avec les autres, il faut communiquer entre différents parties, je veux dire, qui activent cette entreprise, bien évidemment. Ouais. Complètement. Il faut être ouvert, il faut pas garder les choses, il faut pas, voilà, je sais que c'est pas évident. Puis on vit à côté aussi, on a une vie et il faut savoir arriver à gérer les deux, chose qui n'est pas évident. En plus, vous êtes en pleine fleur de l'âge. Alors, j'ai pas entendu, tu as 27 ans, je crois. Moi, j'ai 27 ans, et 98, les deux jumeaux, hein. Je pense que vous avez le même âge. C'est ça, on est sur 25. Ouais, vous avez fait 25 il y a pas longtemps, c'était au mois d'octobre, vers la, je dirais pas la date d'anniversaire. Bah, si, pourquoi pas, c'était vers le 18 par là, quelque chose comme le ça. 16, le 16, ouais. Voilà, ouais, il y avait j'avais le 18 en tête, vous savez pourquoi, ça ne s'est pas fait, mais bon, on refera ça prochainement, vous inquiétez pas. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas en retard hein, sur le plan de vol. Tout se passe bien. Bon, à part quelques turbulences, c'est vrai que là, j'ai changé un petit peu d'avion, on va dire. Et cette nouvelle motorisation me perturbe un petit peu. Faut dire que au décollage, on avait une belle piste, que tout était parfait, tout était ouvert. Mais là, à 39 000 pieds, donc soit 9 500 km, on a un petit peu de turbulence. Et bon, les premières heures de vol, ça pique un petit peu le... Voilà. Voilà, donc il faut arriver à planifier tout ça. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. Un jour, je vous emmènerai, on fera le tour du monde. D'ailleurs, tout à l'heure, on va peut-être même partir en Afrique, au Brésil. Si vous êtes sage, je vous embarquerai avec moi, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc nous allons rentrer dans la partie la plus... dans le cœur du réacteur, on va dire. On va rentrer dans la pure technique, le processus de fabrication. Donc, je crois que c'est Marion qui va s'y coller un petit peu. Marion, pardon. Peux-tu expliquer à nos auditeurs le lexique technique du brasseur? Soit pas trop technique, hein. Non, l'idée, c'est pas de vous perdre. La bière, en fin de compte, comme tout à l'heure, Jules l'a dit, c'est un peu comme une recette de cuisine qu'on va ils jouent beaucoup avec leur micro, ils sont très tactiles. Ah, on aime bien. Voilà, ils sont de plus en plus, comment dirais-je, je prendrai une photo tout à l'heure, mais la photo, ils s'affaissent dans le fauteuil, ils sont pas en face des micros, les chenapans. Parlez bien en face de la sucette, les gars. Sinon, on vous perd, nos auditeurs vous perdent, hein, dans les turbulences. Voilà. Donc, pas de problème. On en était. Voilà, comme tout à l'heure disait Jules, c'est un peu comme une recette de cuisine qu'on va essayer de suivre. Donc en fin de compte, on va prendre des ingrédients, donc qui est l'eau, le malt d'orge, le houblon et les levures, qu'on va mixer donc à différents moments. Hein, alors, tu m'as dit, mais tu nous as dit plein de choses. Là, on en est à la troisième bière au niveau de la tireuse. Tu parles de houblon, tu parles de malt, tu parles de levure. Déjà, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, aux auditrices, parce que tout le monde ne le sait pas, on découvre, on le voit quand des fois vous avez des visites à la brasserie. Ah, c'est ça le malt. Ah, c'est ça. Est-ce que tu peux déjà expliquer en quelques mots le malt, ce que c'est? Alors c'est de l'orge en fait à la base. Des céréales. C'est un céréale, ouais, c'est ça. C'est de l'orge qui va passer par un processus de maltage. Donc il va être trempé pour qu'il puisse germer et à la fin de cette germination, il va être séché. Dans l'idée. Ça c'est vous qui le faites ? Non. D'accord. Ça, nous on achète directement du malt d'orge. En fin de compte, les maltiers en termes généraux. Les gros sacs qu'on voit là. C'est ça, voilà. Ça part en malterie. Donc en fait, c'est des maltiers qui achètent leur matière première, donc l'orge, à des agriculteurs. Eux, les maltiers vont faire ce process de maltage et donc vont donner du coup ce malt d'orge. Et donc. Il y a que de l'orge. Alors, on peut mettre autre chose, plusieurs céréales. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir une dénomination du mot bière, il faut qu'on ait du malt d'orge où l'on le veut. Il y a un pourcentage, il y a dans la fabrication, dans le process. En fait, c'est ça. Là aussi, où comme je disais, la recette, en fin de compte, on va varier donc différentes variétés de céréales, donc différentes variétés de malt. Chacun apporte plus ou moins des goûts. Et il faut savoir aussi que le malt, en fait, c'est tout simplement ce que porte juste la couleur, c'est le malt en fait qui apporte la couleur à la bière. Donc en fait, quand on a des bières qui sont brunes ou des bières qui sont blanches, et ben en fin de compte, c'est des typologies de céréales qui sont différentes, donc qui vont pouvoir justement donner cette couleur. Donner à la cette bière. Couleur, la coloration à la bière. Exactement. Pour le goût et tout, on verra un petit peu plus tard. Oh, ça joue un peu quand même aussi. Hein. Oui, là, ça joue bien on sûr. On a des variétés de malt qui sont assez bluffants. Que ça soit des maltes fumées, donc tombées, il faut le tester avant dans les éprouvettes, enfin dans les préparations des recettes. Bah, c'était un petit peu, c'est en fait quand on a commencé dans le garage, en fin de compte, ça a été un petit peu le projet test où on a pu justement se faire la main, à brasser plusieurs styles de recettes et de voir justement comment ça réagissait, le pourcentage des ingrédients. Et donc c'est pour ça, parce qu'aujourd'hui avec notre gros matériel, on peut pas trop se permettre de faire des tests tous les 4 matins, parce que c'est un risque, hein. Si la bière sort pas comme on le souhaite, on n'a pas le choix que de quand même de la proposer à la vente. On va dire que cette phase d'apprentissage sur la création de recettes a été beaucoup dans le garage. D'accord. En fait, ouais. Sur le plus petit. Donc ça a été le laboratoire premier. Ouais, ensuite, là, parce que moi, tu vois, au départ, pour moi, la bière c'était du houblon, point. Ah, mais bon, si on buvait que du houblon, ça serait dur. Hein. Ah ouais. Si je vous prie de croire que si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter la brasserie, je pense que c'est réalisable. Ils vous feront dégoûter un petit morceau de houblon, vous verrez, c'est bon. C'est très fort. C'est bon. On leur dit comme ça, ils vont venir. Et non, mais vous inquiétez pas, ça le fait tout de suite. Et si une bière n'était faite qu'à base de houblon, je pense que ça serait imbuvable. Voilà. Donc, justement, le houblon, c'est quoi pour vous? C'est comment il se présente? Comment vous préparez? Comment vous le dosez? On va pas dire comment, à quel endroit vous le mettez, tout ça, parce que c'est un petit peu. On en verra peut-être après. Oui, après, sur le process de brassage. Le deuxième ingrédient, peut-être troisième, on va dire des principaux ingrédients, le houblon. Donc, c'est une plante grimpante. Donc de base c'est une fleur en fait, hein, une fleur grimpante, d'accord, ouais. On le voit, grimpante. C'est dans le nord de la France, je crois qu'il y a pas en Alsace, ouais, en Alsace. Puis après, on a dans les pays voisins, en Allemagne, ouais, j'imagine. Et donc en fin de compte, ce houblon, nous aujourd'hui, alors c'est pas la fleur qu'on va acheter directement, en fait, ce houblon va être récolté être mis en pelée, ce qu'on appelle en pelée, c'est des petits granulés, ouais, c'est ça. Voilà. Ça va être en fait compressé. Mis en pelée, et en fin de compte aujourd'hui c'est, je crois, ce que 99% des brasseurs font. Bah, c'est peut-être le plus simple à conserver, ouais. Je pense qu'il peut y avoir des brasseries du côté des agriculteurs qui cultivent le houblon, c'est peut-être plus facile, mais avoir du houblonnage, enfin du houblon en fleur, ça le ferait mettre sous vide, enfin je présume, ça doit être, ouais, et puis dans le processus c'est, ouais. Tu rajoutes en fait le fait qu'ils soient mis en pelée, on n'a pas tous ces détritus vont rester au fond de la cuve, après, ouais, voilà, sûr, exactement, hein, voilà. C'est des risques de boucher la cuve et tout, ouais. Donc on a vu qu'on avait du malt, Donc de l'ange principalement, du Malteder, avec ouais. Des différents degrés de comment dirais-je de séchage, séchage, je vais y arriver. C'est ça. Ouais. Le houblon et la levure. De la levure, ouais. L'élément un petit peu principal. Sinon, on aurait juste un jus de céréales houblonnées. La levure qui va justement permettre de créer l'alcool pendant la fermentation. Et donc là, alors pour le coup, la levure, nous on passe par des labos justement qui la fabriquent et donc là pareil on va avoir différentes typologies de levures qui vont être utilisées pour différentes typologies de bières, variétés et styles de bières. Oui, donc, parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais toujours tout à l'heure. Hein. Mais avant 14, avant 16h, ça sera fait. On a différents types de bières, bien sûr. Hein. On a la brune, la blonde, la soute, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais. Hein. Bon, on n'aime pas trop catégoriser la bière par sa couleur parce que c'est pas très explicite. C'est comme si on catégorisait un vin que par sa couleur. C'est pas ça très parlant. Va être compliqué. Hein. C'est pas très parlant. Donc effectivement, on se réfère à des styles de bière en fait qui sont donnés un peu comme nous pour les mots français dans le dictionnaire. Et ben là pour la bière, ça s'appelle le BJCP et donc c'est un peu la bible des styles de bière dans le monde entier. Et donc l'idée en fin de compte, c'est de partir d'une base existante, donc un style existant avec ses avantages et ses inconvénients. Et en fin de compte, après de la mettre un petit peu à ta sauce, donc de varier la quantité. Un petit peu comme un chef en cuisine avec sa recette, et de rajouter son sel, sa farine. C'est le même principe. Et puis la poudre de perlimpinpin de mamie, hein. Voilà, pour la bière, c'est, voilà. Là, on est précisément avec Marion parce qu'il est surtout à la prod, mais je pense que les deux loulous à côté, le cousin et le frangin, sont tout à fait aptes aussi à répondre à mes questions. Et à nos questions et à vous ouvrir un petit peu le gosier pour faire couler la bière. Donc on a vu donc un petit peu les trois ingrédients principaux. Donc je répète, le malt, précisément de l'orge, le houblon qui est en granules et les levures pour bien sûr faire travailler la bière et la faire alcooliser. Je vais demander à je sais qu'il y a un mot qui est technique, alors ça je m'en vante parce que j'en parle tout le temps mais je suis incapable de l'expliquer. Je l'ai vu dernièrement dans un festival et j'ai entendu parler du mot brassin. Alors c'est pas brassin, ça c'est pas Georges, non, c'est le brassin. Jules, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le brassin? Le brassin, c'est tout simplement le fait d'effectuer une cuvée, une production, un batch, on pourrait l'appeler de toutes ces manières. Avant de tout simplement le transférer dans notre fermenteur pour le faire fermenter. Et on appelle ça un brassin. Donc c'est, C'est la grosse cocotte là qu'on voit par exemple quand on vient chez vous. Bière, voilà, où vous mettez tous les ingrédients, donc on va parler après comment ça se ça se met pas, j'imagine, comme ça tout seul dans la marmite, on met du liquide et on touille et vas-y ratatouille. Le brassin, c'est un petit peu le complet de tout ça. Voilà, ouais. Le fait de réaliser une production. Voilà, ok, donc tout ça, ça se met dans une grosse. Alors, suivant les brasseries, suivant la grandeur, suivant le litrage qu'on veut sortir en hecto, c'est des cuves qui sont plus ou moins grandes, grosses, énormes pour certaines. Vous êtes encore à l'échelle artisanale, donc c'est une cuve qui fait combien de litres ? Sa capacité maximale donc quand elle est pleine à ras-bord, c'est de 1000 litres. D'accord. Ça fait 1000 litres de bière. Alors non, pas de bière, sa capacité maximale, donc pleine d'eau. Parce que la bière, il y a de l'eau dedans. J'en bois plus. Hein. Exactement. C'est la base. L'ingrédient principal. Tout à fait. Ouais, c'est 80%, je crois. 90. Si on fait les ratios, pour produire 750 litres, on va utiliser à peu près 1500 litres. Quoi. D'accord, ouais, d'accord, j'imagine. Donc vous êtes des gros buveurs d'eau alors. Ouais, exactement. Ouais. On est des gros buveurs d'eau. En fait, pour produire un litre de bière, il faut savoir qu'on utilise en général autour de 7 litres d'eau. Pour faire un litre de bière ? Pour faire un litre de bière, exactement. 7 litres d'eau. Voilà. Retenez bien ça. 7 litres d'eau pour un litre de bière. Après, les plus grandes brasseries, les brasseries industrielles qui ont des process bien optimisés arrivent à descendre autour de 3,5 pour les meilleurs. Mais globalement, en microbrasserie, on est autour des entre 5 et 8, quoi. D'accord. Donc, un brassin, c'est tout ça réuni dans cette grosse cocotte, on va dire. Parce que c'est vrai que ça chauffe avec des résistances. Hein. Il y a pas de gaz dessous. Alors, tu as différentes méthodes. Hein. Tu peux avoir des résistances, tu peux avoir du gaz, tu peux avoir de la vapeur. Pour vous, c'est des résistances. Nous, c'est des résistances. Ouais. C'est ça, c'est électrique. Ouais. Très facile à nettoyer, d'ailleurs. Eh bien, je vais passer la parole à la sucette à Audin avant qu'il s'endorme. Est-ce que tu peux nous parler du process? Alors, il y a le concassage, tout ça. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Bah, la première étape, hein, le concassage du grain, hein, où l'objectif est de concasser ce grain pour lâcher l'amidon. Plus facilement extraire le... Donc, si je comprends bien, moi je me mets à la place des auditeurs et auditrices qui n'ont jamais vu comment ça se passe. C'est une grosse machine où vous rentrez vos sacs de céréales à l'intérieur, donc à dos d'homme. Vous déposez ça dans cette machine qui est en route. Ça concasse le grain, donc ça l'ouvre pas entièrement. Ça l'ouvre pas. L'objectif, c'est de le fragiliser pour pouvoir sortir l'amidon. Voilà, extraire l'amidon du coup dans l'eau plus facilement. Ouais. Donc ça concasse et ça retombe dans un sac vide. Ce sac va servir après donc de céréales concassées. On les voit, elles sont bien ouvertes. Va servir à faire l'empattage. L'empattage. Ah ben voilà, on y arrive. Donc ça, c'est l'empattage. Voilà, donc l'empattage où on va ajouter donc le gras concassé dans l'eau chaude pendant certains temps. Faut chauffer à combien de degrés? Oh, ça dépend. T'as des plages de température. Tu peux aller de 55 à 70 pour l'empattage. On n'y met pas les doigts alors. Vite fait. Voilà. Donc après, on a le mou. Tout à fait. Donc après, durant cet empattage, ça va donc créer tout simplement de l'eau sucrée, ni plus ni moins, qui après, avec dans le processus de brassage, où on va après ajouter du houblon. Donc il va faire à un certain moment de la fabrication de la bière, voilà, pour ajouter un dosage bien spécifique du houblon que vous avez préparé dans vos recettes. Donc ces fameuses petites granules vertes, très très bonnes d'ailleurs, très pas amères du tout. Et j'ai goûté, je peux vous le dire, c'était bon. Je m'en rappelle. Ça reste en bouche, ça marche. Voilà, donc on a tout ça. D'accord. Ok, ça boule, ça fait sa fabrication. Mais après, comment ça se passe? En fait, l'idée, comme Audin l'a dit, du moment où on a incorporé le céréal dans l'eau, en fait, ça s'appelle un mou. C'est le processus qui fait que ça s'appelle comme ça. À la fin de ça, tu extrais ton céréal. Ton céréal, en fait, une fois que t'as extrait l'amidon de ton céréal, donc t'as été chercher le sucre, tu le vires, tu l'enlèves. Donc nous, en fin de compte, avec notre machine, bon, c'est bête, mais c'est le même principe qu'une grosse passoire. On va venir lever, en fait, lever la passoire, retirer le grain, et de ça, on monte à ébullition. L'ébullition qui sert à stériliser le mou, du coup ce jus de céréales. C'est là, à cette étape-là, justement, qu'on va incorporer le houblon pour l'amertume et l'aromatique. Alors, en termes général, dans la moyenne, c'est une heure d'ébullition. Pendant ces une heure, tu peux incorporer à différents timings ton houblon et tu auras des rendus. Ça, c'est toi qui le décides en général. Ouais. T'as des chronos, t'as quelque chose. T'es obligé. Ouais. Tu mets un chrono. Et en termes général, pour aller chercher l'amertume du houblon, tu le mets au début d'ébullition, donc souvent pendant une heure ou 50 minutes. Et pour aller chercher l'aromatique, tu le mets souvent à la fin. C'est ça qui fait les bières All Pole ou les IPA. IPA, c'est en fait les IPA, c'est quand on dit IPA en termes général, tout le monde dit personne sait à peu près comment on reçoit on sait ce que c'est une IPA. La IPA, on sait quel goût elle a du moins. Voilà, c'est ça. En fin de compte, une IPA, il faut s'attendre à avoir de l'amertume. D'accord. En termes général, et après aujourd'hui, bon, on a des styles d'IPA qui sont beaucoup plus florales. Il y a des doubles IPA, enfin. Ouais, t'as des doubles IPA, t'as des NEPA, New England IPA. Ah. Bon, t'as pas mal de choses qui s'est développé ces dernières années. Mais de base, en fait, l'IPA, donc c'est un style anglais. Donc c'était les Anglais qui exportaient leur bière en Inde par bateau et ils mettaient plus de houblon parce que le houblon est un conservateur. D'accord. Et donc c'est ce qui donnait cette amertume à cette bière et donc en fait l'IPA est pas mal rattaché à une bière amère en fait. D'accord. Ok. Mais alors bon là on a vu côté liquide comment on dose le sucre, le sel, le poivre. Voilà, je vous donne ça un petit peu en image. Mais vous avez à la fin vous avez des résidus. Je présume, de ce qui a été pressé, de ce qui a permis à sortir ce mousse, ce jus. C'est quoi comment ça s'appelle? Est-ce que ça a un nom? Ouais. Ça s'appelle des. Alors, les résidus de céréales s'appellent des drèches. D'accord. Et après, les résidus. Des drèches avec un D comme Didier d'ailleurs. Comme Didier, ou exactement. Didier Co. comme Didier Co, comme Didius, comme drèche. Pour le coup, les drèches, plusieurs utilisations possibles. Nous aujourd'hui, on les envoie après avoir nourri tous les animaux attenant à la propriété familiale. Ah oui, parce qu'ils en mangent les sangliers, les cerfs, tout ça. Je suis sûr que ça doit. Les chevaux, les vaches, les poules, les escargots, ils adorent les drèches. Mais c'est pas alcoolisé, j'espère, pauvre bête. Non, du tout. En fin de compte, comme t'as pas encore le process de fermentation, t'as pas du tout d'alcool qui est créé. Hein. C'est simplement du céréal, donc qui est plus ou moins sucré, parce que l'idée c'était de quand même extraire le sucre. Donc c'est juste du céréal qui est mouillé, trempé, et auquel il y a plus de sucre, quoi. Plus d'amidon. D'accord. Et bien avant d'aller plus loin, on va se prendre une petite escale musicale. Et comme vous nous avez choisi 8 ou 9 morceaux de ce que vous aimez bien écouter quand vous êtes en plein brassage, moi je vous en ai sélectionné un pour moi. C'est pas moi qui chante, hein, mais c'est moi qui voulais sélectionner. Et je vous invite à écouter la voix de la chanteuse qui me rappelle une regrettée chanteuse qui s'appelait Amy Winehouse. Écoutez cette voix, et cette voix, elle est de la région d'Orléans. C'est le morceau Freedom. c'était la sélection du jour de nos artistes de la région centre. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, c'est le vol Didier & Co. Et nous sommes toujours aux alentours de 31 000 pieds, soit 9 500 mètres à bord du vol numéro 6. Voilà, il est 15h13, la météo est pas trop mauvaise, il n'y a pas trop de trous d'air. Voilà, on va retrouver nos invités en cabine VIP. À vous, messieurs. Allez, on va juste refaire un petit retour sur tout ce que l'on a vu. Donc, on a vu la présentation de ces messieurs, le lancement de la brasserie. Et après, est-ce que tu peux nous redonner, dans l'ordre ou dans le désordre, les différentes phases de la bière, sans rentrer dans les détails. Donc, les trois ingrédients principaux. Eau, malt d'orge, houblon, levure. 4. Voilà. 4 ingrédients. Malt d'orge. Houblon. Levure. Les différentes phases de mise en place de ton brassin. Cocassage, empâtage, brassage, houblonnage, ébullition et puis mise en fermentation, refroidissement, mise en fermentation. D'accord. Ça, on va y revenir après. Et je vois que Jules, il s'accroche au siège, là. Est-ce que tu peux nous parler éventuellement d'une journée au quotidien? Comment ça s'organise dans une micro-brasserie? Alors, effectivement, en fait, comme dans une entreprise, on va dire, classique, hein, artisanale, il y a différents métiers. Donc la journée type, elle va s'orienter autour de différentes tâches, hein, que sont la commercialisation, la production, la logistique, l'administratif, la communication, enfin ce que tout le monde connaît. Donc globalement, dans une journée type, on va avoir de la production de bière ou du conditionnement. Donc le conditionnement qui est la mise en bouteille ou en fût. On va avoir de la logistique, donc potentiellement de la livraison, de la réception de palettes de fournisseurs, donc du malt, des bouteilles, du houblon, des levures, de l'acide peracétique, de la soude qui sont nos produits pour nettoyer, enfin divers produits. Oui, parce que c'est très, très porté sur l'hygiène, hein, la bière, là. Exactement. C'est un très gros travail, très lourd et très gros travail. Il y a beaucoup de nettoyage, effectivement. Du brasseur, bah, entre chaque. Le métier du brasseur, il y a plus de nettoyage que de brassage pur. Donc on va avoir effectivement la réception de la partie logistique. Sur la communication, on va également avoir ce qu'on est en train de faire grâce à toi aujourd'hui, Didier, hein, des potentiellement. C'est surtout Arc-en-Ciel, hein. Voilà. Arc-en-Ciel m'ont laissé leur micro avec une petite formation et. On remercie Arc-en-Ciel, effectivement. Donc de la communication, un petit peu de réseaux sociaux, de la création. Ça c'est Audin, pardon. Tout à fait, Audin qui gère cette partie-là, donc avec des créations d'étiquettes, de visuels. Ah oui, parce qu'il y a tout ça aussi, bien sûr. Communication. Vous travaillez avec un graphiste ou En partie, et puis Audin aussi. Puis des fournisseurs. Fournisseurs de tout ce qui est colle, étiquette. Voilà, c'est ça. Bouteille. On a effectivement un petit peu d'aide des fournisseurs aussi, mais globalement, c'est nous qui nous en occupons. Également, évidemment, le nerf de la guerre, la commercialisation. On se retrouve aussi dans la journée type à avoir du démarchage, de la visite client, de la relance téléphonique. Et enfin, évidemment, la partie aussi administrative, hein, la partie... gestion de stock, tout ça. Où il faut gérer avec, comme dans une entreprise lambda, la comptabilité, les paiements des fournisseurs, les relances des clients qui mettent un petit peu de temps à payer parfois. Voilà, les clients, des fois, ce serait plus facile si on percevait les paiements directement à la livraison, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et comme on disait avant, c'est pas... Le pilotage de la structure, tout simplement, d'une entreprise, étant donné dans le contexte actuel en plus, hein, que je pense que tout le monde connaît et sait que c'est un petit peu compliqué... manœuvrer, piloter, hein, comme tu es en train de le faire, Didius, dans cette émission, le développement de notre petite entreprise et d'assurer effectivement le bon fonctionnement et la satisfaction de nos clients. D'accord. Et nos clientes. D'accord, surtout les clients et les clientes, il ne faut pas les décevoir. Puis quand il y a quelques déceptions, ça peut arriver. Il faut être quand même assez diplomate et savoir discuter et être aussi commercial, savoir faire des gestes. C'est la casquette de commercial qui rentre en jeu. Voilà. Donc, on a vu le houblon, le malt, l'eau, la levure, les différentes phases, on va dire, le concassage, tout ce qui s'ensuit. Une fois que tout ça, c'est dans la cuve, il reste bien évidemment dans le brassin, il reste les drèches, donc les drèches qui sont des résidus que vous mettez en container, voilà, et que vous redistribuez après chez des fermiers ou autres pour... je crois que d'ailleurs, si je me suis bien renseigné, on peut avec la drèche, si on la fait sécher, on peut aussi faire de la farine et faire du pain et autres avec. Alors, tu peux faire plein de choses avec la drèche. Tu peux faire du pain, tu peux faire des mobiliers. Si tu le fais sécher, ouais, tu peux faire plein de choses. C'est super. Et puis l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est un déchet, quoi. C'est un déchet qui est végétal et puis inhérent à toutes les brasseries. Donc, en fin de compte, d'un déchet, en fait, tu peux essayer de faire. C'est pas trop difficile pour vous de vous en défaire de ces drèches. C'est tout à fait, c'est assez compliqué, d'autant plus. Parce que vous pouvez pas aller les déposer n'importe où, je présume. Si jamais vous aviez à les déposer, vous pouvez pas faire de dépôt sauvage, quoi que c'est pas, ça pollue pas puisque c'est pas de l'amiante, déjà. C'est pas un polluant, mais ça sent fort. Et on peut pas le mettre partout, malheureusement, bien que ça soit un déchet organique et qui va finir par se dégrader tout seul. D'ailleurs, on en profite pour faire un petit appel à nos auditeurs, mais effectivement, ou auditrices, si jamais des personnes sont intéressées par de la drèche, donc comme on l'a évoqué Marant tout à l'heure, on peut faire de l'alimentation animale, on peut s'en servir pour du compost, de la méthanisation, de l'épandage aussi dans les jardins, hein. Il y en a beaucoup qui font ça dans les champs, parce que ça va nourrir les sols, donc comme une sorte d'engrais au final et de protection des sols. Vous en avez combien à peu près par ça va dépendre Nous à l'année on va en sortir à peu près l'équivalent de une centaine de tonnes. Ah, quand même, oui. C'est-à-dire que sur un brassin, en drèche, il te reste quoi, à peu près? Sur un brassin, donc nous, c'est une question que je viens de recevoir, hein. Parce que il y a une personne qui m'a fait un petit coucou qui s'appelle Jeff. Salut Jeff. Et je crois que tu le connais parce que tu lui as passé une pelle pour enlever le. Ah ouais, il avait dédréché. Ouais. Non, nous sur un brassin type, donc nous notre brasserie, on sort 150 kilos, enfin on met 150 kilos sec. Donc d'accord. Après, quand il est trempé, qu'il reste humide, oui, bien sûr, après, il double. De quoi. Ouais. D'accord. Donc il est 15h20, on a encore un petit peu le temps, mais on va quand même accélérer le process. Est-ce que tu peux me dire, ou nous dire plutôt, Audin, les différentes phases de la fabrication d'une bière? On a vu le concassage, le nage, enfin tout ça, mais la fabrication en elle-même. Bah tout se passe après en fermenteur, la magie des levures qui vont donc. D'accord. Manger. Donc tu prends, avant de récupérer les drèches, tu ouvres ta cuve. Tu as juste ton liquide qui a redescendu en température, tout ça, tu le prends avec des seaux et tu rentres ça dans le fermenteur. Alors non, le plus important quand même, donc la mise en fermenteur, il faut refroidir la bière. Et oui, donc la bière qui était à ébullition, on a pu incorporer le houblon. Après et la mise en fermenteur, donc là il y a un système de tuyauterie que vous tout à fait qui va au fermenteur. Tout à fait. Alors il y a donc nous on a un refroidisseur à plaque qui va échanger donc le mou chaud, il va le transformer en mou froid et l'eau froide va se mettre en eau chaude. Hein. Un échangeur à plaque, hein, tout simplement. Et si ce processus de refroidissement n'est pas fait, est-ce qu'il y a des risques En fait, les levures peuvent pas être incorporées, étant donné que les levures sont des êtres vivants, comme dans le pain. Et à 30-35 degrés à peu près, les levures peuvent mourir cramées, en fait, brûlées, tout d'accord. simplement. Et donc, en fait, pas de fermentation, et donc pas d'alcool, et donc pas de bière. Alors, c'est de la bière sans alcool La question. La question piège. Non, ça serait pas très fameux à consommer. D'accord. Mmh. Ok. Donc tu as toi ta cuve, tu as eu donc dans ton brassin de tant d'hectolitres ou tant de litres. Tu as ton liquide qui est pas tout à fait encore de la bière. Un jus de céréales houblonné. Voilà. On voit le technicien. Hein. Et de là après ça vous ouvrez les vannes et ça va dans un fermenteur. Ce fermenteur, je présume qu'au préalable il a été préparé, donc il a été nettoyé, archi nettoyé. Un nettoyage d'un fermenteur, c'est combien de temps et vite fait, pour qu'on se donne une idée. Une heure. Une heure. Donc là, ouais. Tu ouvres, tu mets des produits bien spécifiques. Tu l'ouvres, tu le rinces, après tu fais un coup de soude. Soude qui est un détergent qui permet de décoller toutes les crasses autour. Tu re-rinces, coup d'acide, pour acide parasitique pour pouvoir complètement le nettoyer, qu'il n'y ait plus de bactéries. Et puis tu le re-rinces. Et après, les clean. Après, let's go pour ouvrir les vannes du brassin direction le fermenteur. Le fermenteur, bah, il va accueillir donc le liquide qui est en train de se préparer, de devenir bière buvable. Et après, donc dans une cuve chez vous, vous pouvez mettre combien de brassins? Trois brassins. Donc, s'il fait à peu près 2200. D'accord. Après, donc ça fermente, ça se prépare. J'ai vu qu'il y avait un petit système sur la droite là où vous rajoutez de l'eau et qui fait gloup gloup gloup gloup gloup gloup gloup. Ça s'appelle un barboteur. Voilà. Et ça vous donne un petit peu les enzymes dans le côté enzyme de la bière. Ça nous donne une idée de la pression qu'on va avoir dans le fermenteur. Ça nous permet en fin de compte de, si vous voulez, quand on va produire la bière, il y a deux méthodes de carbonatation, parce qu'une bière c'est de la carbonatation, n'est pas plate, d'accord, ouais. N'est pas plate, elle a des bulles, sinon une bière plate, ça serait pas top. Donc en fait, on a deux méthodes dans le monde de la bière de carbonatation de manière générale, qui sont la refermentation en bouteille, que nos amis belges pratiquent beaucoup. D'accord, oui, c'est ce que j'avais pu comprendre à lire aussi. Ouais. Voilà, donc c'est-à-dire que la bière est conditionnée plate, donc sans bulles. On y rajoute un jus de sucre, enfin du sucre, un sirop de sucre ou même du miel parfois, on peut carbonater avec tout produit sucré. Et donc on va laisser le produit refermenter en bouteille, et donc au bout de deux semaines en général on obtient notre carbonatation cible. Ou comme justement ce que tu évoquais, le barboteur, nous allons capter la pression, le CO2. On vous mettra des photos ce soir un petit peu sur Didier & Co pour que vous voyez un petit peu les différentes phases. Voilà, bah, Audin qui me fasse passer tout ça. Parfait. Et donc on va capter le CO2 qui s'échappe de la fermentation. On va le conserver dans notre fermenteur et il va se dissoudre naturellement afin que à la fin de la fermentation, on se retrouve avec une bière déjà carbonatée. Donc on va conditionner avec les bulles à l'inverse de la conditionner plate et de rajouter du sucre après. D'accord. Donc vous ne faites pas de refermentation, vous le faites direct. Donc c'est à peu près 3 semaines si j'ai bonne mémoire. Elle est bonne, ta mémoire, Didier. Voilà, merci. T'as pas une mort de cookie, ça va. Donc après, bah, c'est toujours on nettoie la cuve de brassin pendant ce temps-là. On gagne du temps, ou du moins on essaye de pas trop en perdre. On nettoie les résistances, ouais. Parce que ça se chauffe à base de résistance. Faut tout. Ouais, c'est vraiment du travail, c'est de l'artisanat, mais c'est vraiment du très gros travail. Et si on veut pas avoir de problèmes gastriques ou autres, il faut que ça soit nickel au niveau préparation. Je pense que pendant ce temps-là, j'ai vu, j'ai appelé Marian. De temps en temps, je sais qu'il se promène avec son petit stylo sur l'oreille. Il a son petit classeur avec des relevés. Et tous les jours ou tous les deux jours, il fait des relevés. Je prends des densités au quotidien. Ouais. Pour voir si ça se passe bien. Pour suivre l'évolution de la fermentation, exactement. Suivant la différente bière que tu fais. Enfin, toutes les bières en termes généraux, hein, le suivi est le même pour toutes les bières. L'idée étant de en fin de compte suivre l'évolution du travail de la levure. Donc en fin de compte, la levure va manger le sucre qu'on a extrait auparavant pendant le brassin. Et donc, au fur et à mesure des jours, en fait, on se rend compte que cette densité de sucre baisse. Et donc c'est ce que les levures, c'est le travail des levures qui justement fonctionne. Ouais. Et donc je le contrôle au quotidien pour savoir quand est-ce que la fermentation est finie. Parce que ça peut aller d'un brassin à l'autre, d'une fermentation à une autre, d'une cuve à une autre, ça peut changer, ça peut varier. Ouais, complètement. Ouais. En fait, l'idée c'est que plus tu mets de céréales, plus tu vas avoir de sucre, du coup plus tu partiras avec une base haute. Et puis moins tu mets de céréales, moins tu auras de sucre. D'accord. Après, c'est ce qui vous permet de faire les températures et surtout le degré au niveau des. C'est ça qui fait le degré d'alcool exactement. Voilà. Et après. Pour rentrer dans les détails, il y a plusieurs typologies de levures. Et t'as des levures qui vont manger, on va dire, à 80% du sucre, d'autres 60%, d'autres 100% du sucre. Ouais, j'ai vu ça, quand ça va jouer. Donc ça va jouer aussi sur le degré d'alcool. Ouais. D'accord, parce que bon, il faut dire que voir un petit peu tout le process et tout ça, le voir en photo c'est bien, mais le voir en action c'est pas mal non plus. On va reparler un petit peu sur dans le dernier quart d'heure de cette émission. Le vol se passe bien pour vous, messieurs, ça va? Ouais, super. Super. Hein, je répète toujours, les hôtesses, ça va, elles sont pas trop embêtantes. Très agréables. Hein, d'accord. Les hôtesses, surtout Camille et Carly, sont très agréables. N'est-ce pas? Donc je sais pas si vous m'aviez répondu tout à l'heure pour les bières très aromatiques, est-ce qu'il y a une intervention spéciale ou pas? À quel niveau, pardon? Au niveau de la fabrication, dans la cuve ou autre, est-ce que quand vous rajoutez des arômes dans la Alors, cuve ou pas? Des arômes, disons qu'on va plutôt utiliser par exemple des bières lorsqu'on va produire des bières aux fruits, utiliser potentiellement des purées de fruits. Vous faites de la bière aux bonbons aussi, je crois. On fait de la bière aux bonbons, tout à fait, qu'on a sorti récemment d'ailleurs une bière aux bonbons Harlequin. Voilà, donc c'est une bière acidulée qui rappelle justement le goût du bonbon, dans laquelle on a rajouté aussi du lactose. Donc pour le coup, vous jetez les bonbons dans la cuve après. D'ailleurs, Didier a participé à l'ouverture de ces harlequins. Trentaine de kilos d'harlequins. Ouais, mais il doit s'en souvenir. Nous avons dissous et que nous avons mis à la fin de notre ébullition. D'accord. Pour extraire la maximum d'aromatique. On ne jette pas les bonbons avec le papier dans la cuve alors. Vaut mieux pas. D'accord. Ok pour ça. On va passer dans le. On a parlé de bière, mais on a parlé tout à l'heure de la IPA. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu en 5 minutes, hein, les différentes bières qu'on peut trouver dans le commerce et à quoi elles sont et pourquoi ces noms-là, IPA, blonde, brune, rousse, châtain. Oui, alors il y a plein de styles de bières qui peuvent exister. Hein. Il y a des bières d'appel comme on peut avoir les pilsner, donc des bières de bière de soif. Il peut avoir des kolsch. Ça existe des bières de soif, ça? Mais qui c'est qui a soif de bière? Des assoiffés, voilà. Il peut avoir des bières blanches qui peuvent être des bières de type de style wheat beer. Il peut avoir des bières brunes. Alors la brune, tout le monde connaît les bières brunes de la Guinness, mais effectivement c'est des styles comme des stouts ou des porteurs. C'est quoi la stout? La stout? C'est pas comme la Guinness, non? C'est pas quelque chose comme ça? C'est une bière qui va être brune également et qui va avoir un petit côté un peu légèrement un peu fumé, un peu cacao, chocolat. Donc en fait, vous avez des bières au cacao, chocolat, au café. Au café. Ouais, la porteur au café, je crois aussi. Exactement. Oui, elles ont peut-être pas la même. Voilà, elles ont une densité caféine qui est un petit peu plus constante, un petit peu plus constante que la soude que vous faites. Hein. Voilà, pour les avoir dégustées toutes les deux. Et croyez-moi qu'en dégustation, je m'y connais. Parce que ce qu'ils vous ont pas dit, les loulous, c'est que quand on est au niveau de la cuve de fermentation, il y a un petit robinet qu'on m'a montré et qui permet de goûter la bière pendant son process. Et là, on voit un petit peu la différence. D'ailleurs, on s'amuse, on regarde. Et ils m'apprennent un petit peu à regarder, à lire les bières. Comment c'est lire un vin, par exemple, de voir sa robe. Aller déguster ça. Aussi un petit peu. Aller déguster, à savoir les retrouver. Et croyez-moi que je déguste en ce moment. C'est un très bon dégustateur, Didier. Voilà, et bien écoutez, sur cette bonne parole, il est 15h30, vous êtes toujours dans le vol Didier & Co sur Radio Arc-en-Ciel 96 de Orléans. On va se faire une petite escale musicale et puis on reprendra pour 30 minutes de vol à bord de notre vol. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de 3 invités dans notre cabine VIP. Donc il y a Jules, Audin et Marian, mais ce sont surtout 3 brasseurs de la brasserie du Four à Briques qui se situe à Saran. Voilà, et ben je vais vous passer un petit morceau musical et après on recommence un petit peu la dernière ligne droite. après cette escale musicale Portugal, nous allons reprendre le cours du vol avec nos invités Jules, Marian et Audin de la brasserie du Four à Briques, et nous allons leur demander quel type de contenant ils utilisent. Est-ce que vous faites de la bière? Est-ce que vous faites, oui, bien sûr, de la bière, mais votre bière, dans quel contenant la mettez-vous? Bouteille, canette, fût, comment ça se passe? Bon, on fait un peu les trois. Un peu les trois, on va être sur du... Faites enfin, les trois, canette. Les... Pas encore, pas mais... Ça ne va pas tarder, c'est un scoop? Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être que 2026. Canette. Non, c'est prévu, peut-être. Mais après, ça reste un investissement toujours important. Du coup, pas se précipiter et réfléchir avant de... Avant d'agir. Exactement. Exactement, Didier. Non, on disait trois parce qu'on en tête, on avait la 33 centilitres, la classique, la long neck. On va avoir la 75 centilitres. Et le fût de 20 litres. Et d'accord. Même 30 litres. Donc, et du 4. Fût recyclable ou consigné en inox. D'accord. Donc, à marquer, à je présume, parce que comme vous avez, vous fournissez pas que des restaurants qui n'utilisent que votre produit, que vos produits, il faut bien sûr marquer les fûts et que tout ça, ça soit. Éviter de se les faire embarquer. Oui, ça par peut arriver de temps en temps. Fournisseur, effectivement. Ouais. Ouais. Bien sûr, ça peut arriver. Mais bon, ça arrive souvent. Ouais, ça arrive souvent. Sciemment, pas consciemment, ouais, ça dépend. Plus ou moins, on peut pas savoir. D'accord, c'est pas évident. Alors, on va parler déjà de la mise en bouteille. Comment ça se passe? Qui veut parler? Pour la mise en bouteille, c'est assez simple. Donc, une fois qu'on a fait le processus dont on a parlé tout à l'heure, le processus de brassage, qu'on a transféré notre jus de céréales houblonné en fermenteur. La bière, elle est prête, là, elle est prête à être consommée éventuellement. La bière est prête à être consommée, exactement, étant donné que nous sommes en isobarométrique, donc notre bière est déjà carbonatée. Donc, on va la conditionner à ce moment-là avec une embouteilleuse ou une enfûteuse, donc pour soit la mettre en bouteille ou en fût. Donc, aujourd'hui, l'embouteillage chez nous, c'est quelque chose de semi-manuel, semi-automatique. Donc, on va devoir prendre les bouteilles, les poser sur une étiqueteuse qui étiquette à peu près 1000 bouteilles à l'heure. Et par la suite, on récupère ces bouteilles étiquetées et elles vont être disposées 6 par 6 dans l'embouteilleuse pour être remplies. Une fois qu'elles sont récupérées, on les met au capsulage, 2 par 2, à chaque fois en appuyant sur des boutons. 2 par 2, 2 bouteilles. 2 par 2, exactement. Donc, cette embouteilleuse peut produire en moyenne 400 bouteilleurs. Donc typiquement hier il y a eu un conditionnement, de pas loin de quoi, 2300-2400 bouteilles à peu près. C'est ça, 2400. Avec un étiquetage spécial. Alors je récapitule, parce que j'avais un ou deux messages qui me sont arrivés, je lisais les messages, mais je récapitule. Donc on a les bouteilles en verre qui sont positionnées dans une palette. Voilà, sur une palette, ça descend, enfin ça va, ou on les met à la main manuellement, je pense, chez vous, sur la chaîne de d'étiquetage. La bouteille est nue, en fait. Elle n'a pas d'étiquette. Elle roule, il y a une vis sans fin, je crois. Oui, c'est un convoyeur, un tapis. Voilà, qui vous amène la bouteille sur le système d'étiquetage, ça vous fait tourner la bouteille, ça colle la bouteille. L'étiquette sur la bouteille. Ouais. Et de là, elle arrive sur une table d'accumulation. Voilà. Et là, il y a un opérateur ou une opératrice humain. Pas avec l'IA, pas encore l'IA, peut-être un jour, mais pas là-dessus. Et là, elle prend donc son contenant, ses bouteilles. Elle les dispose dans l'embouteilleuse. D'accord, elle les met dans l'embouteilleuse. Plaf, l'embouteilleuse. On appuie sur les boutons. Ça remplit les bouteilles. Ça passe par plusieurs étapes. Voilà, on va mettre la bouteille sous vide. D'accord. On va la purger au CO2. Voilà, parce que la bière, son pire ennemi, un de ses pires ennemis, c'est l'oxygène. D'accord. Elle s'oxyde sinon. Ouais. Voilà, exactement. Donc on va justement, donc la machine va faire une mise sous vide, puis passer du CO2 et ensuite remplir la bouteille. D'accord. Donc après, cette bouteille, elle est prise, elle va sur un autre opérateur, parce que je pense qu'il peut pas le faire tout seul, qui va le mettre au niveau de l'encapsuleuse, qui est sur la même machine. Tout à fait. De mémoire chez vous. Peut-être qu'ailleurs, c'est autrement. Et de là, il y a les bouchons qui sont mis en haut, qui descendent. Ça, on vérifie parce que des fois, elles sont pas toutes au même niveau. Les bouteilles, elles sont pas toujours bien remplies. Il y a un ajustement à faire, voilà. Effectivement. Voilà. Il y a un ajustement à l'œil à voir. On boit pas chaque bouteille, parce que je sais que les bières, si vous commencez à enlever le surplus, ça va pas le faire, les gars, à la fin de la journée. Donc, Alors souvent on le laisse, hein, on est généreux. Hein. Ouais. Ensuite, ouais, mais si un client il a une demi-bouteille que l'autre. Ah, la demi-bouteille on la met pas, bien évidemment. Mais quand il y a un peu plus que ce qu'on doit mettre dedans, bien sûr, on le laisse. Et là, la capsule tombe, paf, ça en bouteille, enfin ça en capsule. Et après, on pose les. Vous avez préparé au préalable des cartons d'emballage de 26, 14, 12, 24. 24. 24 bouteilles. Et là, par étiquette, par système d'étiquette, si vous avez fait telle bière, c'est telle étiquette, bien sûr, faut pas se tromper. Et de là, vous mettez les cartons et les cartons sont stockés, prêts à partir chez le client. Voilà. Donc ça, on a vu au niveau des bouteilles. Au niveau des fûts, ça se passe comment? Marion, est-ce que tu peux m'en parler vite fait? Au niveau des fûts, c'est à peu près le même principe. Le fût va être lavé, donc va, Là, c'est l'enfuteuse, alors. Ouais. Voilà. Le fût va passer par plusieurs étapes de lavage, que ce soit acide, avec soude. Le même système que le fermenteur, avec des acides, des machins. Ouais, exactement. Acide, soude, vapeur, et puis CO2, purge de CO2, et puis après, remplissage, sous pression. D'accord, c'est, à la chaîne, c'est combien? 2, 3, 4, 5, 12. Tu laves 2 par 2, tu remplis un par un. Donc, en fait, tu prends tes fûts vides. Ouais, propre, tu prends tes fûts, tes tu mets dans l'enfuteuse. L'enfuteuse. Tu prends tes fûts. Tu prends tes fûts, ça lave deux par deux. D'accord. Et une fois que tes fûts sont lavés, tu passes sur l'étape d'à côté qui est le remplissage. Et là, ça remplit un par un. D'accord. Et après, une fois que tu l'as rempli, tout va bien. Une fois que c'est rempli, petit coup d'alcool sur la tête de fût, ah oui, capsule. Que tu nettoies quand même, Ouais, quand même, on n'a pas encore un outil full autonome ton fût est lavé à l'extérieur. Pas ouais, nous, on lave que l'intérieur. L'extérieur, on le fait encore à la main. Mais bon, on n'a pas encore tout ce matériel qui fait l'intérieur et l'extérieur. D'accord, donc oui, parce qu'après, c'est là où on met les têtes de fût pour les tireuses. Exactement, et pour les machines. Et pour les restaurateurs, faut que ça soit nickel. Et après, je présume, une fois que vous avez terminé, tu pèses les fûts pour voir s'ils sont bien... Alors normalement, la machine a un comptage, donc ça le fait automatiquement. On en prend toujours plusieurs aléatoirement pour justement vérifier si la machine pas 30 litres, 28 litres. Après, bon, on le sent à force au poids, donc ça, c'est de la manutention. Ouais. Et après, tu mets ça sur des palettes, je présume, et tu encaisses. Et sur chaque fût, je rajoute une étiquette, d'une couleur bien spéciale. Là, je mets une capsule de fût d'une couleur bien spécifique et par-dessus je remets une petite étiquette savoir ce qu'il y a dedans quoi. Puis pour le contrôle d'hygiène éventuellement quand est-ce qu'elle a été numéro de l'eau, DDM, c'est tout dessus ouais. Comme d'ailleurs on a oublié de le dire, c'est une précision, mais quand sur les étiquettes j'ai vu que des fois tu rappuyais, il y a la date de mise en bouteille et tout ça qui est mise les étiquettes, elles sont prêtes en usage général, mais à chaque fois que tu mets une mise en bouteille, tu as un numérotation. Donc on a vu pour le fût, et puis pour les canettes, on verra peut-être un petit peu plus tard, mais c'est un petit peu le même système, je pense. Il doit y avoir encore des trucs d'hygiène, ça, parce que les canettes, quand elles arrivent, quand vous allez les faire, si vous les faites, on va découvrir, faudra revenir pour faire voir comment ça fonctionne. Tu viendras faire des sessions de conditionnement, Didier. Ouais, bien sûr. On pourra venir faire une émission en direct, ça peut être sympa. Écoute, on en parlera, pourquoi pas, j'en parle à ma direction, et puis ça serait intéressant. On n'est pas très loin, en plus. Voilà, on est quoi, les. Un kilomètre 5 minutes en voiture. Ouais, exactement, c'est pour ça que vous êtes arrivé pile poil. Écoutez, il nous reste encore un petit quart d'heure, il nous reste encore un ou deux morceaux, mais on va se les garder pour la fin. La bouteille, le fût, c'est pour un choix, marketing, je présente, facilité. C'est commercial aussi. Si tu peux pas conditionner ton produit, tu peux pas le vendre. Donc, si tu fais pas de fût, voilà, les gens, il y a certaines personnes qui aiment bien arriver une petite pression à la machine, à la bière, enfin à la tireuse. Et puis il y en a bien qui aiment bien boire des bières au goulot ou qui sortent d'un. Pourtant c'est la même, mais qui sortent directement dans un verre. C'est l'élégance n'est pas la même. Et même principe que le vin. Après, on sert la bière dans un verre comme le vin. Alors comment garantissez-vous que la bière a le même goût aujourd'hui et dans 3, 6, 8 mois? Malheureusement, on peut pas vraiment le garantir. C'est notre processus et notre matériel. Récule-toi de, parce que t'as des pop-up. Tu... Ah, autant pour voilà. Tu craches sur le micro. Je... Voilà, je vais le nettoyer après. Je vais faire comme les fûts. Faut pas le manger le micro. Donc, ça dépend de notre processus. Effectivement, aujourd'hui, avec notre matériel, notamment le fait qu'on soit en isobar, donc qu'on conditionne la bière déjà carbonatée, nous aide à avoir une certaine stabilité dans le temps. Maintenant, voilà, il y a des outils tels que la pasteurisation, la filtration, qui aident, et l'ajout de certains conservateurs aide à avoir une certaine durabilité, mais c'est des choses qui sont plus ou moins, qui ne sont pas à notre portée, effectivement, pour le moment. C'est des investissements. Bah oui, je sais que c'est lourd et c'est investissement. Je veux pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est quand même assez lourd. Pour ne donner pas de chiffres exacts, mais pour une brasserie telle que la vôtre, il faut compter un financement à combien à peu près entre le matériel. Je parle pas de salaire ni rien. Hein, parce que je pense que c'est assez dur de se tirer un salaire, mais le fait de voilà. Pour avoir une brasserie fonctionnelle comme la nôtre aujourd'hui, nous c'est vrai que ça s'est fait, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme, hein, sur ces trois dernières années. Trois ans, c'est pas beaucoup. Hein. Évolué petit à petit en partant de zéro. Et en partant d'un garage pendant le Covid pour en arriver là en trois ans, voilà, il faut. Voilà, travaux, etc., tout compris. Je dirais qu'on est sur une installation à six chiffres, quoi. D'accord. Donc, ok, ah oui, ça commence à. Mais dans la fourchette voilà, plutôt basse, quoi. Voilà, ouais, ouais, mais bon. 6 chiffres quand même, quoi. Voilà, 6 chiffres quand même. On se rapproche pas des 7 chiffres, mais plutôt. Ouais, mais je vous souhaite que ça arrive dans le sens où vous soyez obligé d'agrandir et de pousser les murs. D'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que dernièrement, quand on avait l'occasion de venir à la brasserie, tout était dans le même local. Or là, vous êtes retrouvés devant un problème de gestion, alors et de place d'une fois, et de sécurité d'autre fois, d'autre place, et en même temps de justement sujet aux températures changeantes, de chaleur, parce que la bière travaille moins avec le froid qu'avec le chaud. Mais même c'est vrai que cet chaud. Été, c'était très très très très très chaud, qui vous a obligé d'investir dans un hyper gros ventilateur, mais même avec ça, ça suffisait pas. Ça marchait bien pour les conditionnements parce qu'on avait voilà, super chaud. Voilà, c'était bien pour sécher cool. Les chemises aussi. Ouais. Voilà, donc là vous avez été obligé il y a pas si longtemps que ça d'avoir le stockage un petit peu dans un endroit pas trop loin, mais un petit peu différent de. Ouais, c'était pas un scoop, j'espère. C'est pas. Non, du tout. Voilà. Ce qui permettra aussi, parce que je sais que vous prévoyez, on est en train de travailler dessus, parce que je travaille un petit peu avec eux, je leur donne un coup de main, on va pas s'en cacher. Tu nous aides beaucoup, Didier, merci. Et avec plaisir. Il faut bien s'occuper à la retraite. Et donc, voilà, ça permet un petit peu, lors des visites, d'avoir un petit peu plus de place et moins de choses globales tout ensemble. Donc, voilà, vous allez vous préparer à recevoir, parce que vous faites, je présume, des visites de la brasserie. Vous avez des jours, il y a des prix. Comment ça se passe? Oui, exactement. Alors après, c'est du sur-mesure. Parce que bah, aujourd'hui on fait des visites, mais que vous soyez 2, 7, 15, oui, ce sera la même chose. Ouais, c'est ça, on fait un forfait en fait, hein, donc il y a des visites, des gens qui nous disent c'est pour un CE d'entreprise, on est là pour une demi-heure, d'autres c'est pour un CE mais pour une heure et demie, donc voilà, on fait souvent du sur mesure et au forfait. D'accord. Puis et là vous leur faites voir comment se fabrique la bière. Ouais, vous les faites ouais. Venir quand il y a un petit peu de préparation. Ça quand dépend. Il brasse, ouais. Quand il y a de la drèche à enlever, par exemple. Ouais, ou des conditionnements à faire. Non, ça dépend en soi, mais en termes généraux, on explique le process, on monte les machines, on fait une déguste, et puis après. En parlant de dégustation, où peut-on trouver vos produits? Oh bah tout ce qui va être CHR dans la région orléanaise et puis bah même un CHR, peu CHR ouais, café café hôtel restaurant ouais. Caviste également. Je voulais mettre en perf aussi. Ouais, ça aide. Ça peut aider. Anti douleur. On a quelques litrons en perfusion qu'on peut ouais. faire. Donc oui, un petit peu chez les cavistes, les produits locaux. Pas de rayonnage en ce moment dans les grandes surfaces, parce qu'on en voit un petit peu de. Je vais pas citer vos confrères, mais d'autres qui ont un petit peu plus d'implantation, on les voit un petit peu en rayon. Effectivement, c'est un parti pris qu'on a voulu choisir prendre en travaillant avec des cavistes. On prend le choix de pas travailler. Ah oui, c'est un choix commercial, hein, bien sûr. Ça, c'est très bien. C'est une autre niche, une autre façon de travailler. Et vous pouvez aussi les avoir en vente directe au niveau de la brasserie. On peut venir vous chercher. En épicerie, on l'a dit, dans les bars, bien sûr. Alors les bars, c'est des bouteilles et les fûts avec des tireuses, soit du qui appartiennent à l'entreprise, enfin au bar, soit des tireuses éventuellement que on met à disposition. Vous pouvez mettre des tireuses à disposition. Alors ça, je présume que c'est soit pour des bars ou soit pour des festivités différentes, mariage, anniversaire. Complètement. Voilà. Donc là, vous mettez des tireuses, vous expliquez comment ça se fait, vous leur laissez des fûts pour des festivals aussi, festivals de musique et je sais que on a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble cet été. J'espère que l'année prochaine, ça sera, enfin cette année du moins, ça sera la même chose. Vous travaillez aussi un petit peu avec des guinguettes, puisqu'on a commencé à se connaître comme ça il y a 2 ans. Vous pensez remettre le couvert cette année ou guinguette ou pas? C'est une point d'interrogation pour l'instant. C'est point d'interrogation, effectivement. On va voir selon les appels d'offres et ce qui se passe, mais effectivement, on pourra retrouver ce qui est sûr, qu'on pourra retrouver nos bières déjà à l'île Charlemagne, dans le parc de Loire. D'accord. Potentiellement à Saran également, mais c'est même sûr d'ailleurs, car nous allons ouvrir notre lieu, notre petite beer garden. Notre petit jardin. Oui, j'ai entendu parler de ça. Il me semble que vous avez un petit lieu bien, enfin pas privé, mais bien sympathique. Bien sympathique. Pas privé, ouvert à tous, qui va ouvrir ses portes début avril, normalement, si tout se passe bien. Et donc, nous allons pouvoir accueillir notamment des concerts, peut-être même que vous allez pouvoir venir écouter notre cher Didier jouer de son harmonica et puis écouter et effectivement nos bières en direct des cuves, hein, fraîchement brassées, avec un petit peu de petite restauration, donc ça sera sûrement dans le parc d'activité des Vallées à Saran, à la brasserie du Four à Briques. D'accord, bah écoutez, il est 15h53, je vois qu'on est pile poil dans les temps. Encore quelques petites questions. Donc, on a parlé un petit peu de tout dans ce vol inaugural de cette année 2026. Comment se fait-on une place sur le marché? Allez, monsieur le roi de la com, là-bas. Comment se fait-on une place sur le marché? On touche tout le monde. Non, en étant soi-même, je pense, et puis les brasseries artisanales sont quand même vachement confrontées à la présence terrain. Ouais. Donc après, c'est directement de l'humain à l'humain, quoi. Donc c'est de la personne en étant soi-même, et puis en faisant des produits de la meilleure qualité que possible, et puis après c'est une question de goût et de couleur, j'ai envie de vous dire. Donc puis différenciant, surtout on a sorti comme tu dis, Audin, là on a une gamme dans la région qui était super innovante, c'était la gamme qu'on a appelée fusion locale, donc on faisait avec des artisans du coin, donc on sort une bière au café, bière au miel, bière au chanvre et bière au pain, et ça en fait on était les seuls à faire dans la région, donc en fait aussi de par le produit qui est différenciant. Ouais. Je vais rajouter une chose, si tu me le permets, vous faites aussi une très bonne limonade. C'est, je crois, une des seules brasseries dans la région à faire la limonade, la limo maison. Et voilà, si on veut retrouver la limonade de grand-mère, et ben la brasserie du Four à Briques est bien lotie à ce niveau-là. Le seul bémol que je puisse apporter, c'est que cette limonade, malheureusement, on la trouve pas en bouteille, et c'est dommageable pour vous. Pas encore. Et voilà. Il y a aussi quelque chose qu'on est les seuls à faire dans la région, c'est une bière sans alcool. Ah oui, aussi, d'accord. Ok, ben on va en savoir des choses sur Arc-en-Ciel à 15h54, hein, on va pas griller le temps. Voilà, ben on a un vol qui se passe pas trop mal, il y a eu quelques petites perturbations, mais ça, malheureusement, dans tout vol, ça peut arriver, préparé ou pas préparé. Voilà, on est avec trois sympathiques jeunes hommes, Jules le plus ancien, 27 ans, et les deux frangins jumeaux, Audin et Marian, un qui est à la com pour Audin et à la prod pour Marian. Alors, on va parler d'une petite chose qui vexe un petit peu en général. Est-il possible de se sortir un salaire alors qu'on est aujourd'hui on rentre pas dans les détails, mais est-ce que c'est facile ou pas facile d'en vivre? Effectivement, c'est un, dans, étant donné comme on, Audin l'a rappelé, c'est un marché qui est concurrentiel, où on est nombreux et faire son trou, c'est pas forcément évident, mais pour pouvoir en vivre, on a bon espoir que, étant dans notre troisième année, ce qu'on dit généralement des entreprises, hein, c'est qu'il faut quand même trois ans pour savoir où on va et est-ce que on peut envisager, est-ce que l'avenir se présente bien. Et ben pour notre cas, pour la brasserie, on a la chance de pouvoir dire que oui. Donc qu'on est sur la bonne voie, la bonne direction pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire et pouvoir vivre de notre passion. Donc voilà. D'accord. La concurrence c'est pas trop dur sur la région. C'est pas voilà, il y a pas trop de guéguerre. Bon, il y a pas vraiment un petit peu de problèmes commerciaux, mais bon. On croit pas vraiment à la concurrence. On pense que justement le monde de la microbrasserie, des artisans, des petits producteurs sont plus entre guillemets, bien sûr, en guerre contre les industriels. Bien sûr. Donc on cherche plus à prendre la part de marché là-dessus que entre nous, en fin de compte. Donc quelqu'un qui va boire la bière de n'importe quelle microbrasserie du coin, c'est potentiellement quelqu'un qui pourra découvrir aussi les autres microbrasseries. D'accord, oui, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer parce qu'on a fait, je les aide un petit peu, puis j'aime bien être avec eux, ça m'occupe pendant ma retraite, parce que je suis pas tout le temps à la radio. Mais voilà, on fait quelques salons ensemble, on se retrouve sur les stands, on rigole bien, pas que, mais voilà. Et vous avez des salons de prévus, foire expo, salon de la gastronomie. Est-ce que vous serez au mois de mars à la foire expo? Au mois de mars, non, mais là on sera au mois de février au salon de l'agriculture. D'accord, à Paris. Oula, ça va être chaud ça, les gars. On a besoin de toi, Didier. Ouais. Donc pas de radio pendant, pas d'émission pendant une semaine. Non, on va débrouiller, le train c'est faisable. Ben voilà, si vous avez un petit, il vous reste 3 minutes, si vous avez un petit message chacun à dire, à faire passer, un petit coucou, une petite dédicace, quoi qu'est-ce, que je bascule après dans le vol. Le vol Didier & Co, première partie, va se terminer. Et pour terminer cette émission en douceur, qui a été rallongée d'une heure depuis, ben c'est la première aujourd'hui où on va faire les deux parties. Je vais vous amener après moi en voyage en Afrique et au Brésil avec quelques sélections et quelques montages que j'ai réussi à faire. Mais avant toute chose, Marian, Jules, Audin, merci beaucoup de votre venue, de votre sympathie, de votre sourire et de votre façon de vivre et d'être. Ne changez rien. Si vous avez un mot à dire chacun. Déjà merci à toi Didier de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à passer nous voir, que ça soit à la brasserie ou sur les événements. Je mettrai les coordonnées. Ouais, n'hésite pas. Et notamment, c'était à la Guinguette, donc au Beer Garden, directement rattaché à la brasserie. On va essayer vraiment de faire quelque chose de super chouette et qui va changer de ce qu'on peut voir dans le coin. Donc je vais pas une spoil et tout dire, mais il y a du pain sur la planche. Mais voilà, le bio, ça fait bientôt un an qu'on travaille dessus, donc on est sur quelque chose de top. Et c'est la communication, donc n'hésitez pas à nous suivre sur le réseau, donc le four à briques, Instagram, Facebook, TikTok, bientôt les lives TikTok qui vont arriver. Et puis merci à la Radio Arc-en-Ciel de nous avoir accueillis, merci à toi Didier. Avec plaisir. Ouais, effectivement, merci Radio Arc-en-Ciel, merci Didier, et n'hésitez pas à nous retrouver sur, comme disait Audin, sur les réseaux sociaux ou à venir nous voir au parc d'activités des Vallées à Saran et à venir visiter ou acheter nos bières en direct. Voilà, merci à tous. Voilà, et merci à vous. Merci. Je vais leur couper les micros. Ah voilà, moi je continue dans le live. Ils vont pouvoir relâcher un petit peu. Là, c'est vrai qu'ils étaient concentrés. C'est pas évident comme ça d'être à trois à la radio, plus un derrière la technique. Et là, nous allons passer. Il est 15h59. Nous allons passer dans un voyage. Je vais continuer. Je vais poser l'avion pour l'escale, déposer ces messieurs, et nous repartirons après sur un décollage du côté de l'Afrique et du Brésil pour remettre un petit peu de soleil dans cette météo un petit peu difficile en ce moment. Merci, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est toujours Didier & Co au micro. Et là, tu... Velha Cabocla é da mata, na cachoeira passou. Viver seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Pensamento em meu pai, nada tenho que temer. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé no mundo é poder. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Ele atirou a flecha com seu bodoque, atirou. Sagacité, sagacité, sagacité, sagacité. Europa, niveau supérieur, Arafat, toujours Moana. Hommage à Didier Jonathan. Ouais, Jean le magicien. Jonathan, eh. Combination, just in shallow, original tone, yeah man, who's parler les gens. tous les souhaits. Quand il fait maintenant, on a là, même si tout ça, ça travaille la peine. Elle souffrait, moi elle a souffert, du côté, et moi toujours été. J'ose dire, moi ni assez. C'est pas crié, qui t'est pas évident. Monsieur, vous faites un génie ou payé. Les ou c'est ni qui s'en foutait. Joli qui va fille ou capillé. Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Nous sommes en 2026 et je souhaite encore une très bonne année à tous les auditeurs et les auditrices. Et nous sommes toujours dans Didier & Co, bien sûr, avec un petit voyage africain et brésilien pour ce début d'année. Allez, c'est reparti. tea, can look a sea, can see. Got ya can do put second that my crack, no put you tell like a mocker chicken that will be walk, no go. Take a mocker, who's that? Deus entendeu de dar a primazia. Feito uma primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus entendeu. Deus entendeu de dar toda a magia. Feito uma primeira chão na Bahia. Vous avez mal choisi votre adversaire. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Max, heureux, tu serais champion. Pascal Abdoul International présente la Talakou Sagacité dans Coupeur des Calais du 3e millénaire avec Ilan Bongo, Gérard Depardieu, Mobali Danger, Serpent Noir. On y va. ye fenge oya ngaleli oya ngaleli yulu zali la talanga na wole peti na ngai bono la ngalobi ya mafuta oya ngalobi ya talanga leli na tayo ya mafuta oya ngalobi mokede. Il est 16h47, vous êtes toujours dans le vol Didier & Co, numéro 6, première de cette année 2026, à direction l'Afrique et le Brésil. Maman chocolat misanga, moi c'est ma question quand je suis le chemin, la vérité de la musique africaine qui la bongo. Où est passé futur initié prédateur et misanga? Fabio Van Apollo les alibara matoulet Stéphane Dike. Alex Fekke misanga, le parrain des voix ce soir. A rakotoko, a rokotoko, a dégalement si babonga pesa. Tamaga, tamaga, tamaga, tamaga, tamaga. Soit mon, a tchèque mambo, ba qui la bongo, ba moulayon. Souci Van Apollo les alibara. J'ai rendu peur du révolution musicale, toujours number one, la force tranquille, Alex et Funk DJ, toujours Kitoko. Tous les gars, Yafuka, Balobi, allez, Okati. Tous les gars, Yafuka, Balobi, allez, Okati. Mon arrêt, Manaloku, Tukumba, Yafukula, Bozangi, Bate, Manaloku, Yama, Mamilise. C'est toi, Balouku, Ya, Ya, Ya. Mon bali, Manaloku, Moukou, c'est pas moi. ojo rabu didi ni apa oni apa oni ale suza oni ale blo oye ami suza oni ale blo boye ma o ami gbogboro na baba yo gbogboro na baba yo ami se gbia gbia la fa salfo se kuzo na yo se kana magic system e jire avec l'Afrique, il nous reste une minute et demie, donc j'en reprofite pour vous saluer, pour vous dire merci de votre écoute, à très bientôt, et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire sur la page Didier & Co, réseau Facebook, à très bientôt, merci, ciao ciao, et en avant la musique.